Chapitre 3. Lorenza Feliciani. Voici ce qui s'était passé à l'extérieur de la voiture, tandis que dans l'intérieur causaient le voyageur et le savant. Au coup de tonnerre qui avait abattu les chevaux de devant et fait cabrer ceux de derrière, nous avons dit que la femme du cabriolet s'était évanouie. Elle resta quelques instants privée de ses sens, puis peu à peu, comme la peur seule avait causé son évanouissement, elle revint à elle. « Oh mon Dieu ! » dit-elle. « Suis-je abandonné ici, sans secours ? N'y a-t-il aucune créature humaine qui prenne pitié de moi ?»« Madame, » dit une voix timide, « liez-moi, si toutefois je pouvais vous être bon à quelque chose. » À cette voix qui résonnait presque à son oreille, la jeune femme se redressa, et passant sa tête et ses deux bras à travers les rides de cuir de son cabriolet, elle se trouva en face d'un jeune homme qui se tenait debout sur le marchepied. « C'est vous qui m'avez parlé, monsieur, » dit-elle. « Oui, madame, » répondit le jeune homme. « Et vous m'avez offert votre secours ?»« Oui. » »« Qu'est-il arrivé d'abord ?»« Il est arrivé, madame, que le tonnerre vient de tomber presque sur vous, et qu'en tombant, il a brisé les traits des chevaux de devant qui se sont sauvés en portant le postillon. » La femme regarda autour d'elle avec l'expression d'une vive inquiétude. « Et celui qui conduisait les chevaux de derrière, où est-il » demanda-t-elle. « Il vient d'entrer dans la voiture, madame. Il ne lui est rien arrivé ?»« Rien. Vous êtes sûre ?» Il a du moins sauté à bas de son cheval en homme sain et sauf. Ah, Dieu soit loué! Et la jeune femme respira plus librement. Mais où donc étiez-vous, vous, monsieur, que vous vous trouviez là si à propos pour m'offrir votre aide? Madame, surpris par l'orage, j'étais là dans cet enfoncement sombre qui n'est autre chose que l'entrée d'une carrière, quand tout à coup j'ai vu venir du tournant une voiture lancée au galop. J'ai cru d'abord que les chevaux s'emportaient, mais j'ai bientôt vu qu'au contraire, ils étaient guidés par une main puissante, quand tout à coup le tonnerre est tombé avec un fracas si terrible que je me suis cru foudroyé moi-même, et qu'un instant je suis demeuré anéanti. Tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai vu comme dans un rêve. Alors vous n'êtes pas sûr que celui qui conduisait les chevaux de derrière soit dans la voiture ? Aussi, madame, j'étais revenu à moi et je l'ai parfaitement vu entrer. Assurez-vous qu'il y est encore, je vous prie. Comment cela ? En écoutant. S'il est dans l'intérieur de la voiture, vous entendrez deux voix. » Le jeune homme sauta à bas du marchepied, s'approcha de la paroi extérieure de la caisse et écouta. « Oui, madame, » dit-il en revenant, « il y est. » La jeune femme fit un signe de tête qui voulait dire « c'est bien ». Mais elle demeura la tête appuyée sur sa main, comme plongée dans une profonde rêverie. Pendant ce temps, le jeune homme eut le temps de l'examiner. C'était une jeune femme de 23-24 ans, au teint brun, mais de ce brun mat plus riche et plus beau que le ton le plus rose et le plus incarnat. Ses beaux yeux bleus levés au ciel, qu'elle semblait interroger, brillaient comme deux étoiles, et ses cheveux noirs, qu'elle gardait sans pondre malgré la mode du temps, retombaient en boucles de jais sur son cou nuancé comme l'opale. Tout à coup, elle parut avoir pris sa résolution. « Monsieur, où sommes-nous ici ?»« Sur la route de Strasbourg à Paris, madame. Et sur quel point de la route a deux lieues de Pierrefitte ?» « Qu'est-ce que cela, Pierrefitte ? C'est un bourg. »« Et après Pierrefitte, que rencontre-t-on ? Bar-le-Duc. »« C'est une ville ? Oui, madame. »« Populeuse ? 4 ou 5 000 âmes, je crois. »« Y a-t-il d'ici quelque route de traverse qui aille plus directement que la grande route à Bar-le-Duc ? Non, madame, ou du moins je n'en connais pas. »« Peccato, » murmura-t-elle tout bas, et en se rejetant dans le cabriolet. Le jeune homme attendit un instant pour voir si la jeune femme l'interrogerait encore. Mais voyant qu'elle gardait le silence, il fit quelques pas pour s'éloigner. Ce mouvement l'attira de sa rêverie, à ce qu'il paraît, car elle se rejeta avec vivacité sur le devant du cabriolet. « Monsieur, » dit-elle. Le jeune homme se retourna. « Me voici, madame, » fit-il en s'approchant. « Encore une question, s'il vous plaît. Faites. Il y avait un cheval attaché à l'arrière de la voiture. Oui, madame. Y est-il toujours ? Non, madame. » La personne qui est entrée à l'intérieur de la caisse l'a détaché pour le rattacher à la roue de la voiture. « Il ne lui est rien arrivé non plus au cheval, je ne le crois pas. »« C'est une bête de prix que j'aime beaucoup. Je voudrais m'assurer par moi-même qu'il est sain et sauf. »« Mais le moyen d'aller jusqu'à lui par cette boue ?»« Je puis amener le cheval ici, » dit le jeune homme. « Ah oui !» s'écria la femme. « Faites cela, je vous prie, et je vous en serai tout à fait reconnaissante. » Le jeune homme s'approcha du cheval qui releva la tête et hennit. « Ne craignez rien, » reprit la femme du cabriolet. « Il est doux comme un agneau. » Puis, baissant la voix, « Jérid. « Jérid !» murmura-t-elle. L'animal connaissait sans doute cette voix pour être celle de sa maîtresse. car il allongea sa tête intelligente et ses naseaux fumants du côté du cabriolet. Pendant ce temps, le jeune homme le détachait. Mais à peine eut-il senti sa longe aux mains inhabiles qui la tenaient, que d'une violente secousse, il se fit libre et d'un seul bond se trouva à 20 pas de la voiture. « Jared, » répéta la femme de sa voix la plus caressante, « ici, Jared, ici. » L'arabe secoua sa belle tête, aspira bruyamment, et tout en piaffant, comme s'il eût suivi une mesure musicale, il se rapprocha du cabriolet. La femme sortit à moitié son corps des rideaux de cuir. « Viens ici, Jared, viens, » dit-elle. Et l'animal, obéissant, vint présenter sa tête à la main qui s'avançait pour le flatter. Alors, de cette main effilée, saisissant la crinière du cheval et s'appuyant de l'autre sur le tablier du cabriolet, la jeune femme sauta en selle avec la légèreté de ces fantômes des balades allemandes qui bondissent sur la croupe des chevaux et se cramponnent aux ceintures des voyageurs. Le jeune homme s'élança vers elle, mais d'un geste impérieux de la main, elle l'arrêta. « Écoutez, lui dit-elle, quoique jeune, ou plutôt parce que vous êtes jeune, vous devez avoir des sentiments d'humanité. Ne vous opposez pas à mon départ. Je suis un homme que j'aime, mais avant toute chose, je suis romaine et bonne catholique. Or, cet homme perdrait mon âme si je restais plus longtemps avec lui. C'est un athée et un nécromancien que Dieu vient d'avertir par la voix de son tonnerre. Puisse-t-il profiter de l'avertissement? Dites-lui ce que je viens de vous dire et soyez béni pour l'aide que vous m'avez donnée. Adieu. » Et à ce mot, légère comme ces vapeurs qui flottent au-dessus des marais, elle s'éloigna et disparut, emportée par le galop de Jared. Le jeune homme, en la voyant fuir, ne put retenir un cri de surprise et d'étonnement. C'était ce cri qui avait retenti jusque dans l'intérieur de la voiture et qui avait donné l'éveil aux voyageurs.